C'est la bannière du crime. Make a clap to this. C'est la bannière du crime. Make a clap to this. C'est la bannière du crime. Histoire calibre. C'est la bannière du crime. T'as déjà vu un cadavre couché sous ton zen. T'as déjà vu un mec entouré par des hyènes. T'as déjà vu un lascar béton à la chaîne. Mec t'as pas vu un type qui plante au resto zen. T'as déjà vu un cadavre couché sous ton zen. T'as déjà vu un mec entouré par des hyènes. T'as déjà vu un lascar béton à la chaîne. Mec t'as pas vu un type qui plante au resto zen. Génération qui chine neuf pour un billet bleu ou un ticket 2 sur un béton de bœuf. Dans notre écart c'est rare que ça béton peu. On se fait des poules à la tondeuse au Mac 3. Moi je représente mon 7-7 comme l'a fait le MA3. J'arrive en bouledé, de toi je suis un goudé. MC arrête de bouder, tes barrettes on a déjà boudé. J'prends du poids, du flow, j'prends plus de proie. Qu'est-ce que tu crois? Mon opus il déchire plus que toi. Enlève tout ce que t'as, demande à mon goût ce que t'as. T'as vu j'ai pas de flou ce que dalle. J'fais du rap coup de coude de tard. C'est le chant du ravitaillement de B2 par petit cargo. On refourgue dans les fours et on le découpe en Mikado. T'as déjà vu un cadavre couché sous ton zen. T'as déjà vu un mec entouré par des hyènes. T'as déjà vu un lascar béton à la chaîne. Mec t'as pas vu un type qui plante au resto zen. T'as déjà vu un cadavre couché sous ton zen. T'as déjà vu un mec entouré par des hyènes. T'as déjà vu un lascar béton à la chaîne. Mec t'as pas vu un type qui plante au resto zen. Moi j'suis un mec qui adore la chatte, qui baisse même dans les ambiances crâne. Je suis un type de la rue, rien à battre. Tout ce que je fais c'est phare. C'est la reine des Youvois, celle qui vous côtoie, vous perturbe. Tu me fais si mal, parce que je rassure. Des fois ouais. J'ai des flou action. Tellement fort du trou de balle et la santé jaculation. Trop de gens parlent d'un vu, mais n'assure pas du tout. J'ai mes regards d'avoue, j'suis pas venu faire du jour. Armé comme le lyriste explicite, on me félicite parce que je les blesse dans les lessives. Ouais, je suis pas venu faire la manche comme dans le chromé. Comme un chromage, prends le chromis, c'est une chose promise. Pourquoi tu parles, mec, on va te pendre, on va te descendre. T'as trop de comptes à rendre. T'as déjà vu un cadavre couché sous ton zen. T'as déjà vu un mec entouré par des hyènes. T'as déjà vu un lascar béton à la chaîne. Mec t'as pas vu un type qui plante au resto zen. T'as déjà vu un cadavre couché sous ton zen. T'as déjà vu un mec entouré par des hyènes. T'as déjà vu un lascar béton à la chaîne. Mec t'as pas vu un type qui plante au resto zen. On le rappe maintenant, je suis un ancien mais toujours à la page. Les petits nouveaux ils ont la rage mais repentis jamais en chien. Pour tous ceux qui lèvent la main dans nos concerts, quand on prend le microphone, t'inquiète pas, on fait ça bien. À l'époque, on rêvait du disque d'or, des pages de magazines en évitant les bises de bord. Moi je veux faire sauter la foule sans remettre la cagoule sur ma véro, que je vais péter les portes. T'as déjà vu un cadavre couché sous ton zen. T'as déjà vu un mec entouré par des hyènes. T'as déjà vu un lascar béton à la chaîne. Mec t'as pas vu un type qui plante au resto zen. T'as déjà vu un cadavre couché sous ton zen. T'as déjà vu un mec entouré par des hyènes. T'as déjà vu un lascar béton à la chaîne. Mec t'as pas vu un type qui plante au resto zen. Make a clap to this. Nouvelle underground vengeur. Make a clap to this. Nouvelle underground vengeur. Make a clap to this. Nouvelle underground vengeur. Make a clap to this. Nouvelle underground vengeur.